déchirée en deux pour toujours. Fille de Dieu, enfant. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Fille de Dieu, enfant. Appelée Jeanne. Il y eut une vierge appelée Jeanne.